العلم page 27. Donc, quand je dis page 27, c'est de l'édition que j'ai ici, évidemment, c'est Dar al-Thuriya lin-Nashr. D'accord ? Peut-être que d'autres éditions comme Dar al-Minhaj ou d'autres éditions qui sont. Faites attention à prendre des éditions autorisées, surtout vis-à-vis des Cheikh al-Uthaymeen, je pense que c'est assez connu. Évitez les éditions du style Dar al-Basira et autres. Hein? Donc, dans l'édition que moi j'ai, c'est page 27. D'accord ? Donc, on lit, Inch'Allah, comme d'habitude, on lit le petit passage en arabe, Inch'Allah, on traduit. Et on avance comme on le faisait précédemment. Juste petite remarque, Inch'Allah, avant de commencer à proprement dire le cours, c'est que vous avez vu qu'aujourd'hui on a commencé plus tard, et on s'excuse pour les gens qui sont sur Internet, qui écoutent sur Internet, parce qu'ils n'étaient pas au courant qu'on allait commencer plus tard. On les remercie pour leur patience. On a commencé presque 40-45 minutes plus tard que le temps prévu. C'est dû en fait à la salat al-Isha qui a changé d'heure, en fait, vu à, hein, après le changement d'heure qui s'est passé hier. Et donc la semaine prochaine, ça reste sous confirmation. On attend l'aval de responsables de la mosquée. On va essayer de le faire avant Salat al-Isha, Inch'Allah. D'accord ? Parce que le Dar d'Abu Sohaib, en fait, de Qatr Nada, est remonté à 4 heures l'après-midi, ouais, avant l'Asr. Donc, ce qui fait qu'Inch'Allah, on a l'opportunité, Inch'Allah, de le faire avant Salat al-Isha. Donc, ça devrait être, Inch'Allah, dans les alentours de 8h15, Inch'Allah. C'est-à-dire après le Dar d'Ishal Houdayan. Et la traduction des questions-réponses, etc., quand ils ont fini. Donc moi, je pense que vers 8h, 8h15, ça devrait être fini, j'ai demandé tout à l'heure. Donc, Inch'Allah, on reste en contact pour les gens qui sont sur Internet, peut-être sur les quelques forums où les cours ont été annoncés, Inch'Allah. Et sinon, j'ai déjà jeté un coup d'œil à 8h15, heure anglaise, ce qui fait, je pense, 9h15, heure française, Inch'Allah. Pour la semaine prochaine, ça, c'est pour la semaine prochaine. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, nous dit... الأمر الأول إخلاص النية لله عز وجل بأن يكون قصده بطلب العلم وجه الله والدار الآخرة لأن الله حث عليه ورغب فيه فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك سورة محمد والثناء على العلماء في القرآن معروف وإذا أثنى الله على شيء أو أمر به صار عبادة إذن فيجب الإخلاص فيه لله بأن ينوي الإنسان في طلب العلم وجه الله عز وجل وإذا نوى الإنسان بطلب علم الشرعي أن ينال شهادة ليتوصل بها إلى مرتبة أو رتبة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها وهذا وعيد شديد. Petite هنا تنبيه, il y a une faute ici dans la tabaa que j'ai ici par rapport au hadith. Hadith ici que j'ai, il dit من تعلم علما يبتغي به وجه الله. J'étais vérifié dans Sunan Abi Daoud. L'avd c'est le correct, c'est celui que j'ai dit, wallahu alam, c'est من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله عز وجل. Donc faites attention ici pour ceux qui ont la même édition que moi. Donc ça c'était un point vis-à-vis de la correction de l'afd par rapport à Sunan Abi Daoud. Donc je continue la parole de Cheikh Al-Uthaymeen ici. لكن لو قال طالب العلم أنا أريد أن أنال الشهادة لا من أجل حظ من الدنيا ولكن لأن النظام أصبح مقياس العالم فيها شهادته فنقول إذا كانت نية الإنسان نيل الشهادة من أجل نفع الخلق تعليما أو إدارة أو نحوها فهذه نية سليمة لا تضره شيئا لأنها نية حق وإنما ذكرنا الإخلاص في أول آداب طالب العلم لأن الإخلاص أساس فعلى طالب العلم أن ينوي بطلب العلم امتثال أمر الله عز وجل لأن الله عز وجل أمر بالعلم فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك سورة محمد فأمر بالعلم فإذا تعلمت فإنك ممتثل لأمر الله عز وجل. Donc ici le premier point qu'on a dit qu'on allait citer, c'est le point sur la sincérité. Donc Cheikh Al-Uthaymeen dans Kitab al-Ilm, le livre de la science, on a dit page 27 pour l'édition que j'ai ici, il dit donc parmi les bienséances à respecter en tant que demandeur de la science religieuse, la sincérité. C'est-à-dire que ton attention lors de ta demande de la science soit la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'explication que Wajah Allah, par l'agrément d'Allah Azzawajal, c'est ce qui est expliqué dans Al-Ma'boud, Sharh Sunan Abi Daoud, que je vais citer après, Inch'Allah. Donc ici, et l'au-delà, car Allah nous a incités à demander la science. Sache donc qu'il n'y a de divinité adorée avec vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et implore le pardon pour ton péché. Donc c'est un verset qu'on a déjà vu lors de... Comme salam. C'est un verset qu'on avait déjà vu lors de... du premier cours Na'am, qui était sur l'importance, la bienséance, la préséance, afwan, de la science et des gens de science sur les autres, d'accord ? Donc c'est surat Mohammed, quel verset ? Verset 19. Le verset n'est pas complet, comme on l'a dit, on dit Al-Aya, et Akmil Aya. Et l'éloge fait aux savants dans le Coran est connu. Et si Allah fait l'éloge, afwan, de quelque chose, ou l'ordonne, ça c'est une règle très importante ici à retenir, cela devient une adoration. Donc je répète la règle. Si Allah fait l'éloge de quelque chose, d'accord ? Comme Cheikh ici a dit, il a dit « إِذَا أَثْنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَعَ عَلَى شَيْءٍ أَوْ أَمَرَ بِهِ » Donc, et si Allah fait l'éloge de quelque chose ou l'ordonne, cela devient une adoration. Ça c'est une règle importante, d'accord ? Il est donc obligatoire d'être sincère dans cette demande de la science, pour Allah, en ayant pour intention, dans cette demande de science, la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Tandis que celui qui demande cette science religieuse, justement, pour obtenir un diplôme, pour arriver à un poste ou à un degré, eh bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc sur celui qui apprend une science, parmi celles qu'on apprend en ayant pour intention l'agrément d'Allah, c'est les sciences normales qu'on apprend pour l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'il l'apprend pour une chose de ce bas monde, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc c'est le hadith qu'on a cité dans, il est rapporté dans le Musnad Imam Ahmed, il est rapporté dans Sunan Abi Daoud, il est rapporté dans le Musnad al-Hakim, il est rapporté dans le Musnad ibn Abi Shaybah. On va citer les sources. Donc le hadith est rapporté par Ahmed dans son Musnad, d'accord, par Abu Daoud dans son Sunan, chapitre de la science, Kitab al-Ilm, et Al-Hakim dans le Mustadrak, tous des recueils de hadith, et Ibn Abi Shaybah dans son Musannaf, Al-Musannaf d'Ibn Abi Shaybah. Et le hadith, il a été jugé Hassanun Sahih. Par qui ? Par Cheikh Mohammed Nasser al-Din al-Albani, rahmatullah alayh. Et qu'Allah fasse miséricorde à tous nos savants. Il y a une petite remarque ici que j'aimerais faire. Donc, on sort de la parole du Cheikh Al-Uthaymeen juste pour une petite remarque que j'ai pris justement, comme je vous ai dit, de Sharh Sunan Abi Daoud, qui est Al-Ma'boud de l'Abadi, rahmatullah, le grand savant muhadith indien, hein, que vous connaissez certainement. Donc, Sunan Abi Daoud, qui est un des six livres de la Sunna. En général, les savants, quand ils citent les six livres de la Sunna, ils citent le Bukhari ou le Muslim, et directement Abu Daoud. C'est le troisième qu'ils citent parmi les six, d'accord ? Donc, il y a une remarque ici à faire. Faire attention par rapport à la compréhension du hadith. Parce que le hadith, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il ne sentira pas l'odeur du paradis. Et on peut mal le comprendre. Hein ? On peut comprendre, mais ça peut être compris par certains comme un takfir. D'accord ? Donc ici, le shir, justement, il rapporte un point très important. Et j'ai pris la liberté de le prendre. Pourquoi ? Justement, pour faire que ce soit une faïda pour le jami, inshallah. C'est quoi ? C'est que le fait qu'il ne sentira pas l'odeur du paradis ne veut pas dire qu'il est mécréant. Il faut comprendre ce hadith selon les règles d'Al-Sunnah al-Jama'a. Qu'est-ce que dit donc l'éminent savant Al-Abadi, rahmatullah alayh, dans son explication de Sunan Abi Daoud qui s'appelle Aoun al-Ma'boud. Aoun al-Ma'boud. Il dit, je lis en arabe ce qu'il dit, Cheikh, on traduit ensemble, Inch'Allah. وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَىٰ أَنَّهُ يَسْتَحِقُ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ أَوَّلًا ثُمَّ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى كَأَمْرِي أصحاب الذنوب كلهم إذا مات على الإيمان. يعني qu'est-ce que ça veut dire ici? Le Cheikh dit, Cheikh Al-Abadi, rahmatullah alayh, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit, il faut comprendre ici dans ce hadith, c'est-à-dire par rapport au fait de quoi? Qu'il ne sentira pas l'odeur du paradis, qu'il ne sera pas en droit d'entrer au paradis directement, premièrement, il a dit awalan, mais qu'ensuite sa situation, yani son cas, reviendra à Allah Azza wa Jal, comme le cas de tous ceux qui ont commis des péchés parmi les croyants. S'il meurt sur la foi, évidemment, c'est une condition pour qu'il soit le même hukm que les croyants, c'est que lui-même, il meurt sur la foi. D'accord? Donc faites attention ici de bien comprendre le hadith. Et je pense que c'était un point important à rapporter par rapport à ce hadith-là. Donc maintenant, ici, Inch'Allah, on revient à Cheikh Al-Uthaymin dans Kitab al-Ilm. Sur ce hadith qu'il commente aussi. Donc Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dit, il commente ce hadith en disant que c'est une forte menace de châtiment. Qu'Allah nous en préserve tous. Donc il dit, hada wa'idun shadid. Il a utilisé le mot wa'id shadid. D'accord? Donc c'est une masse de châtiment qui est forte. D'ailleurs, le Firouz Al-Abadi, rahmatullah alayh, il a rapporté un point important sur Al-Wa'id al-Ta. On ne veut pas trop s'éloigner du livre, Inch'Allah. Donc celui qui veut retourner, comme on l'a dit à chaque fois, on citait la référence, Al-Ma'boud, Sharh Sunan Abi Daoud, dans la version que moi j'ai à la maison, c'est le 3664, le hadith. Vous pouvez toujours vérifier, vous pouvez chercher à la fin un glossaire, Man Ta'allama, vous le trouvez directement, Inch'Allah, d'accord? Ou dans Kitab al-Ilm directement, vous allez le trouver. Donc, il a dit donc que c'est une forte menace de châtiment. Maintenant, regardez, Cheikh Al-Uthaymin, il analyse quelque chose d'autre ici, il dit, mais si un demandeur des sciences dit maintenant, je veux obtenir un diplôme non pas pour une chose de ce bas monde, d'accord, mais parce que dans le monde d'aujourd'hui, ce qui est pris en considération, ce sont les diplômes. Ben, Cheikh Al-Uthaymin répond en disant, on lui répond, que si l'intention d'un individu est d'obtenir un diplôme pour bénéficier les autres, d'accord, en enseignant ou en dirigeant, c'est-à-dire en étant directeur, responsable de quelque chose, d'un poste, dans l'imposte, dans la da'wa, ceci est une intention saine, il a utilisé le mot salima en arabe, niyatun salima, qui ne l'affecte en rien, car c'est une intention vraie, d'accord. Et pour les frères qui ont un peu voyagé, vous allez sûrement voir à droite et à gauche des frères qui n'ont même pas besoin de diplôme, qui sont déjà aptes, mais qui vont dans certains pays, hein, dans certaines universités, juste pour prendre les diplômes, parce que ces universités-là, elles sont réputées, même si elles ne sont pas de bonnes universités. Ils ne vont même pas aux cours d'ailleurs, les frères, parce que les cours contiennent beaucoup de choubouhat, etc. Donc ils vont juste vraiment aux examens pour prendre ces diplômes, pour pouvoir rentrer dans leur pays, pour avoir un poste dans la da'wa, parce que sinon, ils ne sont pas pris en considération. Vous voyez, donc là, à ce moment-là, le hukm change évidemment. Pourquoi? Parce que son intention, ce n'est pas pour quelque chose de la dunya, c'est pour justement faire profiter les autres. Et on ne lui laissera cette opportunité à un poste que si il a une certification, un diplôme. Donc vous voyez la niya comment elle change. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayhi wa jazahullah khair al-jazah, il a rapporté un point très important ici. Donc il faut bien comprendre ce que dit Cheikh Al-Uthaymin par rapport à l'intention, à la dunya, etc. D'accord? Donc. Cheikh continue en disant, nous avons cité la sincérité en premier. D'ailleurs, quand vous regardez dans le livre, c'est le premier des adab qu'il cite. Pourquoi? Donc, en premier dans les biensciences à observer lors de la demande de la science, car elle est le fondement. La sincérité est la base. C'est pour ça qu'elle est citée d'ailleurs en première. C'est pour ça qu'ici, on la cite dans les premières biensciences à observer. D'accord? Il incombe donc c'est sur Cheikh Al-Uthaymin qui parle, rahmatullah alayh, il incombe donc aux demandeurs de science d'avoir comme intention d'appliquer, de mettre en application l'ordre d'Allah. Car Allah a ordonné de prendre la science. Sache donc qu'il n'y a de divinité adorée avec vérité qu'Allah et implore le pardon pour ton péché. Sourate Mohammed, verset 19. Vous voyez, c'est un verset qui revient de manière récurrente dans nos cours depuis le début. Il a ordonné de prendre la science. Donc si tu apprends, tu auras mis en application l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Cheikh Al-Uthaymin continue sur l'intention en disant que le demandeur de science doit avoir comme intention le fait de se sortir de son état d'ignorance. Ici on va lire d'abord le texte de Cheikh Al-Uthaymin en arabe, c'est un point très important que j'ai voulu vous rapporter. Il a dit raf'u al-jahli 'an nafsihi wa ghayrihi wa 'an ghayrihi. أي أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره لأن الأصل في الإنسان الجهل ودليل ذلك قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون سورة النحل والواقع يشهد بذلك فتنوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسك وبذلك تنال خشية الله. On avait cité ce verset d'ailleurs avant. سورة فاطر، فتنوي رفع الجهل عن نفسك لأن الأصل فيك الجهل، فإذا تعلمت وصرت من العلماء انتفى عنك الجهل. وكذلك تنوي رفع الجهل عن الأمة، ويكون ذلك بالتعليم بشتى الوسائل لتنفع الناس بعلمك. داكوغ. شيخ العثيمين كيس كي دي ici il continue donc toujours sur l'intention mais en disant que le demandeur de science doit avoir comme intention le fait de se sortir de son état d'ignorance. Un tarfa'a, hein? Littéralement, c'est d'élever de toi, ou toi plutôt, de t'élever de cet état d'ignorance. Yani de sortir, je crois que j'ai traduit ça par sortir de cet état d'ignorance, parce que c'est ton état de base. Et c'est ce que dit le cheikh ici. Car là-bas, chez l'individu, c'est l'ignorance. Preuve du Coran directement. Pour preuve de cela, la traduction du sens de la parole d'Allah. Et j'avais dit, je pense que c'est au premier cours qu'on avait dit ça, qu'on avait rapporté ce point-là, qu'on ne peut pas dire « Allah a dit » dire le verset en français. On avait dit ça, hein, qu'on dit dans la traduction du sens de la parole d'Allah, dans la traduction approximative de la parole d'Allah. Yani on utilise ce genre d'expression-là pour bien montrer que ce n'est pas la parole d'Allah, que c'est la traduction de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est une erreur que, ma'ala asaf shadid, beaucoup de frères font, notamment des fois dans des cours, ils disent « Allah a dit » et ils citent le verset en français. Donc faites attention à cela. Donc aussi il dit, la traduction du sens de la parole d'Allah est « Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, afin que vous soyez reconnaissants. » Surat Nahl, verset 78 pour les Belges, 78 pour les Français. Que tu aies donc comme intention lors de ta demande de la science, le fait de sortir de ton état d'ignorance. Regardez quelle intention, subhanallah. Que tu sortes de cet état d'ignorance qui est la base en toi, en nous tous. D'accord ? Et pour cela, tu accéderas à la crainte d'Allah. On avait dit que le mot khashia, c'était une crainte spéciale. On avait dit c'était laquelle ? Dans le premier cours, on dit que c'est le khawf al-mabni ala al-ilm. Vous vous souvenez, hein ? Donc c'est la définition que Cheikh Al-Uthaymeen avait donnée. Donc le khawf al-mabni ala al-ilm, c'est-à-dire que la crainte d'Allah basée sur la science. On avait cité, dis ça notamment qu'on avait cité le verset de Surat. Quel surat ? Le verset ? Innama Yakhshallah min ibadihi al-ulama, c'était quel surat ? Fatir, naam. Barakallahu fik. Donc, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Surat Fatir, verset 28. Donc, on a fini pour la première. Ça, c'est vrai, on a dit qu'on allait essayer d'être le plus concis possible, Inch'Allah, parce que le but, c'est comme de rentrer assez prochainement dans le livre de Cheikh Rabi'a, Hafidhahullah. Deuxième bienséance, citée par Cheikh Al-Uthaymeen dans son livre de la science, donc toujours le même livre, mais là, on fait un petit saut, on va à la page 33. Donc, on n'a pas pris toutes les bienséances qu'il a citées, j'en ai choisi juste quelques-unes, d'accord ? Donc, page 33, c'est sur le fait de mettre en pratique cette science. Donc, on a la sincérité lors de l'acquisition de la science. Et qu'est-ce qu'on a comme deuxième point ? La mise en pratique, naam, l'amal bil ilm. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen, qu'est-ce qu'il dit, rahmatullah alayh ? Il dit l'amal bil ilm. أن يعمل طالب العلم بعلمه عقيدة وعبادة وأخلاقا وآدابا ومعاملة لأن هذا هو ثمرة العلم وهو نتيجة العلم وحامل العلم كالحامل لسلاحه إما له وإما عليه إما له وإما عليه ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القرآن حجة لك أو عليك. نعم. حديث أخرجه مسلم. لك إن عملت به وعليك إن لم تعمل به. وكذلك يكون العمل بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بتصديق الأخبار وامتثال الأحكام. إذا جاء الخبر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فصدقه وخذه بالقبول والتسليم ولا تقل لما وكيف. فإن هذا طريقة غير المؤمنين فقد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سورة الأحزاب verset 36. Je traduis maintenant inshallah. Donc deuxième point, on avait dit le fait de mettre en pratique ou la mise en pratique de cette science. D'accord ? Et même certains savants l'ont appelé Zakat al-Ilm. Hein? Et l'imam Ahmed le disait, je n'ai pas écrit un hadith sans l'avoir appliqué au moins une fois, de peur qu'elle soit le hujja contre moi. Regardez le wara' des salaf, subhanallah. Et où sommes-nous par rapport à eux, subhanallah. Donc, c'est-à-dire que le demandeur des sciences pratique cette science. Que ce soit dans le domaine de la croyance, de l'adoration, ou du comportement, ou dans son interaction avec autrui dans la vie de tous les jours, ce que le cheikh appelle le mu'amalat. Regardez le cheikh ici, regardez le fiqh du cheikh, l'Athaymin. Il dit de mettre en pratique, il a cité les trois parties de la religion. L'aqida, hein? L'aqaïd, l'ibadat, ou le mu'amalat. Vous voyez, donc on se doit de pratiquer cette science-là dans, et on a un aqs, bilashak. moi en premier. Donc c'est un rappel pour tout le monde, alhamdoulilah, de mettre en pratique dans l'aqida, l'ibadat et al-mu'amalat. Cette science donc qu'on apprend. Donc ici, il dit donc, dans l'aqida, dans la croyance, l'adoration, le comportement, ou bien dans son interaction avec autrui dans la vie de tous les jours, hein, car ceci est le fruit, il appelait thamaratul ilmi, wa natijatuhu, et la conséquence de la science. Celui qui porte la science est comme celui qui porte une arme. Il dit qu'al-hamil li silahihi. Elle est pour lui ou contre lui? Elle est pour lui ou contre lui? Et à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Le Coran hujjatun laka aw alayk. Et le hadith a été rapporté par l'imam muslim dans son sahih, dans son authentique. Pour toi, c'est-à-dire si tu le mets en pratique. Et contre toi, si tu ne le mets pas en pratique. La mise en pratique de ce qui a été rapporté de manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam se fait également en rendant véridique ce dont il nous a informé. Et en obéissant au jugement, si une information te parvient d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, prends-le pour véridique et accepte-le. Et soumets-toi. Et ne dis pas pourquoi et comment. Et regardez le point très important que rapporte le cheikh ici. Et ça, c'est un rappel pour tout le monde, encore une fois. Hein? Pourquoi, comment, hein? Regardez ce que le cheikh dit ici. Car ceci, le fait de dire pourquoi et comment, car ceci est la voie des non-croyants. Car ceci est la voie des non-croyants. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Allahu Akbar. C'est un verset du Coran, et ce que je viens de citer, c'est la traduction approximative. Et la suite dit: et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Surat Al-Ahzab, les coalisés, verset 36. Donc on a fini la première bienséance, la deuxième maintenant. Donc la première c'était l'ikhlas, la sincérité. La deuxième c'était l'amal bil'ilm, barakallahu fikum, na'am, le fait de mettre en pratique, de pratiquer cette science qu'on a apprise. Maintenant, la troisième bienséance à respecter lors de la demande en science, la patience. Très important également, la patience lors de la demande de la science. On reste toujours dans le même livre, qui est lequel? Kitab al-ilm, barakallahu fikum, le livre de la science de Cheikh Al-Uthaymin, donc page 42 de l'édition que j'ai moi, Darut Thuraya al-Nashr. Donc, Cheikh Al-Uthaymin nous dit: أن يكون الطالب صابرا على العلم أي مثابرا عليه لا يقطعه ولا يمل به يكون مستمرا في تعلمه بقدر المستطاع وليصبر على العلم يرحمك الله ولا يمل فإن الإنسان إذا طرقه الملل استحصر وترك ولكن إذا كان مثابرا على العلم فإنه ينال أجر الصابرين من وجه وتكون له العاقبة من وجه آخر واستمع إلى قول الله عز وجل يقول الاستيل دي علماء استمع يكوت عز وجل vous connaissez la différence en arabe entre الاستماع entre استمع وسمع l'un veut dire écouter l'autre ici écoute يعني prête l'oreille واستمع إلى قول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين سورة هود verset 49. Donc Cheikh Al-Uthaymin, qu'est-ce qu'il dit ici? Donc on traduit: Il dit, le demandeur de science doit être patient concernant la science. Et Allah, les frères, prêtez vraiment attention à ce point-là. Pourquoi? Vous savez pourquoi, mais je le répète encore une fois. Hein, on a eu beaucoup de discussions ensemble avant de commencer les cours, etc. C'est un gros problème qu'on a tous. On n'est pas patient, subhanallah, dans beaucoup de choses, et particulièrement dans la science. On veut les choses tout de suite. Hein? On veut les choses et on ne patiente pas, on n'a pas de sabre. Et Cheikh Hissine, l'Uthaymin, rahmatullah alayh, regardez, le Cheikh est décédé, hein, rahmatullah alayh, n'oubliez pas dans les doa, Cheikh est décédé, regardez, il est encore en train de prendre des bénéfices de son ilm. On est encore en train de tirer des bénéfices de son ilm, de son travail, de sa patience justement, lui, que lui a eu. Et il nous fait une nasiha, elle est là, cette nasiha elle est encore là, elle est publiée, elle est dans les livres, elle est imprimée. Donc ouvrez vos cœurs, hein. On avait, avec quelques frères, on avait lu une fois la parole d'Ibn Qayyim dans Al-Fawaid, hein, sur le verset de Surat Qaf. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. On pourra le lire, voilà, ce serait très intéressant de le lire une fois ensemble, inchallah, et pour les gens qui sont sur internet, qui sont enregistrés dans les doros, inchallah. Qalb, ouvrez vos cœurs à cette nasiha de Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayh. Ils connaissaient tous l'appliquer entre nous. Hein, on est là pour s'entraider, alhamdoulilah. Hein, c'est quoi, Cheikh ici dit? C'est-à-dire être persévérant, être patient concernant la science, c'est-à-dire persévérant, ne pas arrêter, ne pas être lassé, mais constant en fonction de sa capacité. Et chacun connaît sa capacité. De patienter sur la science et de ne pas être lassé, car si l'individu se lasse et est touché par la lassitude, il arrêtera la science. Tandis que s'il persévère dans la science, il obtiendra la récompense pour sa patience d'une part. Donc pour la patience d'une part, il a dit min wajh. Hein? Regardez, donc il a déjà sa récompense pour sa patience et la fin heureuse d'autre part. L'aqiba en arabe. Verset du Coran directement qu'il cite. Écoute la traduction du sens de la parole d'Allah. Voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Tu ne le savais pas. Ni toi ni ton peuple avant cela, sois patient. La fin heureuse sera au pieux. Sourate Hud, verset 49. Hein? Donc, Inch'Allah, qu'on soit patient, qu'on essaie de. Hein? C'est pas facile ni pour moi ni pour vous. On est occupé, on a des choses à faire, on est fatigué, on est malade, on est ceci, on est cela. Inch'Allah, qu'on essaie de toujours de faire passer ça avant quoi que ce soit, Inch'Allah. Et d'essayer d'être patient, et pas nécessairement ici, ou justement seulement ici, même à la maison, tout le temps, d'essayer de prendre tout le temps la science, et d'être patient, parce que c'est pas facile. Mais après, les fruits arrivent après. Le problème, c'est que les frères ne patientent pas assez pour les faire arriver au moment où ils vont commencer à goûter ces fruits-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils arrêtent. Hein? Ou parce qu'ils ne voient pas les résultats. Hein? On veut trop vite les résultats. Donc troisième point, on a fini. On répète vite les trois premiers points. Premier point, c'était la sincérité. Deuxième point, c'était la mise en pratique. Naam. Troisième point, la sabra ala l'ilm. La patience. Quatrième point, et on va dire la dernière science parmi les bien-sciences que Cheikh Al-Uthaymin, donc on a pris du livre de Cheikh Al-Uthaymin, c'est la mémorisation, al-hifd. Donc toujours du même livre, page 62. Donc Cheikh Al-Uthaymin, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit فَيَجِبُ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ الْحِرْصُ عَلَى الْمُذَاكَرَةِ وَضَبْتِ مَا تَعَلَّمَهُ إِمَّا بِحِفْظِهِ فِي صَدْرِهِ أَوْ كِتَابَتِهِ فَإِنَّ الْإِنسَانَ عَرْضَةٌ لِلنِّسْيَانِ فَإِذَا لَمْ يَحْرِصْ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ وَتَكَرُّرِ مَا تَعَلَّمَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَضِيعْ مِنْهُ وَيَنْسَاهُ وَقَدْ قِيلَ. Regardez le poème que Cheikh, très beau poème que j'ai traduit. العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. Donc je répète le poème. العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق تالقة. طالقة. Donc الشيخ ici continue en disant ومن الطرق التي تعين على حفظ العلم وضبطه أن يهتدي الإنسان بعلمه. قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. سورة محمد mais verset 17 cette fois-ci. Verset 17, d'accord ? Le verset n'est pas complet. Verset 17. وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. سورة مريم. Verset 76-76. فكلما عمل الإنسان بعلمه عمل الإنسان بعلمه زاده الله حفظا وفهما لعموم قوله زادهم هدى. Donc, Cheikh Al-Uthaymin, on traduit ce passage-là, dit la mémorisation, Al-Hifd. Donc, quatrième bienséance, c'est de mémoriser. Et il va expliquer c'est quoi. Il nous dit, Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh, il incombe à l'étudiant en sciences islamiques de désirer ardemment, Al-Hirs, la mémorisation de ce qu'il a appris, soit en mémorisant par cœur, dans sa poitrine, ou en l'écrivant. Et pour ceux qui ont un peu étudié Moussalah al-Hadith, ça doit vous rappeler quelque chose. ضبط الصدر وضبط الكتاب نعم ها ضبط الصدر وضبط كتاب ها c'est le fait de soit compiler le hadith en le mémorisant par cœur dans ta poitrine hein? comme certains salaf disaient la science c'est ce que tu amènes avec toi à l'hammam aux toilettes qu'est-ce que ça veut dire c'est ce qu'il y a dans ta poitrine parce que tu peux pas prendre des livres avec toi à la toilette hein? la poitrine ce qu'il y a dans ta poitrine le hifd ou en l'écrivant car l'individu est sujet à l'oubli. D'accord ? S'il ne désire pas ardemment la révision et la répétition des notions apprises, il les oubliera. Et le poème dit « La science est une proie et l'écriture son entrave. » En entrave, la chose avec laquelle tu ligotes en français. D'accord ?« Ligote tes proies à l'aide de câbles solides, car folie » La folie est le fait que tu chasses une gazelle puis que tu la laisses libre parmi les créatures. Vous avez compris le sens du poème hein? Bon, je répète. Et l'entrave, le ligot, c'est quoi? Donc on a dit quoi? Ligote tes proies à l'aide de câbles solides car... On répète à fond, la science est une proie, d'accord ? Et l'écriture son entrave. Qaidouhu, il a dit dans le poème. Hein? Ligote tes proies à l'aide de câbles solides, l'hibal il wathiqah, car folie, famine al-hamaqah, est le fait que tu chasses une gazelle, ghazala, puis que tu la laisses libre parmi le khalaiq. Anta turkaha bain al-khalaiq et taliqah. Parmi les voies qui aident à la mémorisation, et c'est pour ça que j'avais dit, vous vous souvenez au tout début, qu'une de mes conditions, c'était que quoi que chacun ait une feuille et un stylo. Je ne vais pas faire la police, chacun ici, je ne voudrais surtout pas mettre mal à l'aise les gens, d'accord ? Mais vous savez, je vous le rappelle tout simplement, en passant, c'est d'avoir un livre, même pour les gens qui sont sur Internet, c'est d'avoir absolument une feuille et un stylo, de noter ce qu'on peut, et pas de noter en système de dictée, comme je vous ai dit, vous n'arriverez pas à suivre le rythme, Allah alam. Même les frères qui ont fait l'université, etc., ils savent que c'est mieux de prendre au vol et de noter les points importants, hein, et de structurer, etc., et après de renoter soi-même avec ses propres mots ce qu'on a compris du cours, ok ? Donc ici, parmi les voies qui aident, il continue, Cheikh, en disant, parmi les voies qui aident à la mémorisation, et la préservation de la science, c'est le fait de chercher la guidance en pratiquant cette science. Allahu Akbar. Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida. Allah subhanahu wa ta'ala, il les guida encore plus et leur inspira leur piété. Sourate Muhammad, verset 17. C'est la traduction approximative du verset. Allah accroît la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin. Sourate Maryam. Verset 76-76. Au fur et à mesure que l'individu met en pratique sa science, Allah lui accroît sa mémorisation et sa compréhension. Ce qui est compris de la généralité du texte coranique, il a dit Umum qawlihi, zadahum huda. Il les guida encore plus. Sourate Muhammad, verset 17. Et avec cela, on a fini les bienséances. du livre de Cheikh Al-Uthaymin. On prend encore deux bienséances. Naam, tfadala. C'est le point qui arrive maintenant. Ce point-là, en fait, Barakallahu fik de me le rappeler, ce point-là, en fait, il est dans un autre livre, comme on a vu, qui s'appelle An-Nubadhu fi Adabi Talib al-Ilm. D'accord ? Et donc on sort maintenant, j'ai dit, on sort du livre de Cheikh Al-Uthaymin, on a pris 4 points du livre de Cheikh Al-Uthaymin, je vous avais donné l'organigramme au début, le programme, hein, et maintenant il reste combien de points? 2 points du livre Nubadhu fi Adab Talib al-Ilm, et on a fini une très grosse partie de l'introduction, et on va dire quasi de l'introduction. Après il restera à faire la défense, la biographie de Cheikh Rabi', hein. On va essayer de rentrer dedans aujourd'hui, Inch'Allah, parce que je voudrais peut-être commencer la semaine prochaine le livre de Cheikh Rabi', Inch'Allah. Alhamdulillah, je pense c'est important qu'on ait consacré 3 leçons à. Et c'est la demande de beaucoup de frères. On m'a dit qu'on mette les points sur les i. On m'a dit ça comme ça. Hein, avant de commencer. D'accord ? Donc, la crainte d'Allah, barakallahu fik Rachid me rappelle. Donc, ici, c'est justement ce point qu'on va commencer, c'est la crainte d'Allah est la clé des sciences. Donc là, on sort du livre sur l'Uthaymin et on lit ensemble et on traduit. قال تعالى يا ايها الذين امنوا دونك تقوى الله مفتاح العلوم لو تيتر تقوى الله مفتاح العلوم لا كرانت الله الى كلي دي سيونس قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به داكور او فو كي افي كرو كرني الله اي كرويي ان سون ميساجير بور كيل فو اكورد دو بار دو سا ميزيريكورد et qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez. Et la suite du verset, c'est « Et qu'il vous pardonne, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. » Sourate le Fer, verset 28. Al-Hadid, hein? Al-Hadid, verset 28. « قال تعالى, يَا أَيُّوَ الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهِ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا » Ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner, c'est-à-dire entre le bien et le mal. Ok ? Surat le butin, verset 29. Surat le butin, l'Anfal. Je n'aime pas trop traduire les titres, mais c'est peut-être pour... De toute façon, généralement dans les traductions du Coran, et je pense que les titres sont aussi en phonétique, l'Ahzab, etc. Donc ici, c'est l'Anfal. En français, on peut traduire ça par les butins, verset 29. قال الحافظ ابن كثير دونك لا نغندر دون التفسير قال ابن عباس والسدي وعكرمه والضحاك وقتاده ومقاتل ابن حيان فرقانا مخرجا زاد مجاهد في الدنيا والاخره وفي روايه عن ابن عباس فرقانا نجاة وفي روايه عنه نصرا وقال محمد بن اسحاق فرقانا اي Faslan ben al-haqq wal batil. D'où la traduction qu'on a dit tout à l'heure, entre le discernement entre le bien et le mal. D'accord ? Wa hadha at-tafsir min Ibn Ishaq a'ammu mimma taqaddam wa huwa mustalzim dhalika kullih. Fa inna man ittaqa Allah bi fi'li awamirihi wa tarki zawajirihi wuffiqa li ma'rifati al-haqq min al-batil. Fa kana dhalika sababu aw sababa nasrihi wa najatihi ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه وهو محوها وغفرها وسترها عن الناس وسببا لنيل ثواب الله الجزيل كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم دوك ici ابن كثير qu'est-ce qu'il dit. Donc on rentre dans le tafsir ici, de ces versets-là. Il dit, Ibn Abbas, As-Saddi, I'Ikrima, Al-Dhahak, c'est des mufassirines parmi les salaf, Al-Dhahak, wa Qatada, Muqatil, Ibn Hayyan, on dit que Furqana dans le verset, hein? Furqana, la faculté de discerner, c'est une issue, Makhrajan. Et Mujahid a rajouté, Fuddunya wal-Akhira, dans le bas-monde et dans l'au-delà. Hein, dans l'au-delà, l'akhira. Dans une version, donc Fidounia dans le bas monde en français, et l'akhira, on traduit ça par l'au-delà en français, ça va. Et dans une version rapportée d'Ibn Abbas, Furqanan najatan, c'est-à-dire un salut du verbe sauver, hein. Pas du verbe saluer, le salut du verbe sauver. Et dans une autre version, de lui également, nasran, c'est-à-dire une victoire. Et Muhammad ibn Ishaq a dit, furqanan, c'est-à-dire une séparation entre le vrai et le faux. Pourquoi on a rapporté ces versets-là ici sur la crainte d'Allah? Justement, si tu crois en Allah, Allah va te faciliter la science, il va te donner cette faculté justement de discernement. C'est ça l'intérêt de rapporter ce chapitre-là. Donc cette exégèse, cette explication du Coran, tafsir, est plus générale, celle de Muhammad ibn Ishaq. Et que ce qui a précédé, et nécessite tout cela, car celui qui craint Allah en appliquant ses ordres et en délaissant ses interdits, lui sera accordé la connaissance de la différence entre le vrai et le faux. Et ce sera pour lui la cause de sa victoire, de son salut et de son issue dans les choses de ce bas monde et de son bonheur le jour du jugement dernier. Et de l'effacement de ses péchés, et que ses péchés lui soient pardonnés et cachés des autres. Et la cause de l'obtention de la grande récompense d'Allah, traduction du verset, ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager, pour qu'il vous accorde deux parts de sa miséricorde et qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez et qu'il vous pardonne, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Sourate Al-Hadid, verset 28. Donc ici, ça me rappelle une règle que les ulama rapportent, c'est que justement quand il y a différents tafsirs d'un point, d'un verset, et qu'ils ne sont pas contradictoires, les ulama ils les prennent tous. D'accord? Ça va? Un exemple, quand les ulama ils ont dit « Wa'tasimu bihablillah »« Wa la tafarraqu » Certains ulama ont dit « Al-habl » c'est quoi? C'est le Coran, certains ont dit « Sunnah », certains ont dit « Jama'a » Certains ulama ont dit « Il n'y a aucune contradiction » Le Coran, ça va avec la Sunna. Le Jama'a, elle se fait sur le Coran et la Sunna. Donc, alhamdoulilah, il n'y a pas de contradiction. Donc, ça me rappelle maintenant, je vous le dis tant que je l'ai en tête, c'est qu'il y a une règle dans le tafsir qui dit que quand il y a des opinions qui ne sont pas contradictoires, on les prend. Et c'est ce qu'il a fait ici, le Shir, en rapportant que, vous voyez, dans ce qu'il a dit, il dit la connaissance de la différence entre le vrai et le faux. Pour lui, la cause de sa victoire, Nasaran, ce qu'on a dit, de son salut, Najatan, de son issue, Makhrajan. Hein, dans les choses de ce bas monde et de son bonheur le jour du jugement dernier, c'est ce qu'il a rajouté Ibn Abbas, fit dunya wal akhirah, et la cause de l'obtention de la grande récompense d'Allah. D'accord? Wa qala Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, inni la ahsabu rajul yansa al-ilma kana ya'lamuh lil khati'ati ya'maluha. Allahu akbar. Qu'est-ce qu'il a dit ici Abdullah Ibn Abbas? Il y a un point très très important. Il a dit, c'est Abdullah ibn Mas'ud a dit, radiallahu anhu, wa ardah, je considère certes que l'homme qui oublie la science qu'il possédait ne l'a oublié que par un péché qu'il commettait. Et ce athar, il est rapporté, rawahu waki', il est rapporté par waki' dans Az-Zuhd 329, avec une chaîne de transmission authentique. Justement, waki' dit, ista'inu ala al-hifdi bitark al-ma'asiyah. Il a dit quoi ici? Il a dit Waki' dit aidez-vous à la mémorisation en délaissant la désobéissance. Et c'est rapporté par Ibn Hibban dans Rawdat al-Uqala, page 29. Waqala l'imamu, très belle parole, essayez de la mémoriser. Waqala l'imamu Malik l'Shafi'i rahimahullah, awwala ma laqiyah, inni ara Allah qad alqa ala qalbika nuran. فلا تطفئ بظلمة المعصية. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. L'imam Malik a dit à Shafi'i, quand la première fois qu'il l'a rencontré, il lui a dit, lors de leur première rencontre, je vois qu'Allah a jeté sur ton cœur une lumière. Ne l'atteins pas avec l'injustice de la désobéissance. Et c'est rapporté par Ibn Qayyim dans A'lam al-Muqayyin, tome 4, page 258. Ça peut varier en fonction des différentes éditions. Donc, tome 4, page 258. Wa qala l'imam Shafi'i, man ahabba an yaftah Allah lahu qalbahu aw yunawwirahu fa'alayhi bi tarki al-kalam fi ma la ya'nih wa tarki adh-dhunubi wa ijtinab al-ma'asi wa yakunu lahu fi ma baynahu wa bayna Allah خبيا من عمل فإنه إذا فعل ذلك فتح الله عليه من العلم ما يشغله عن غيره، وإن في الموت لأكثر الشغل. الله أكبر. Qu'est-ce qu'il a dit ici l'imam Shafi'i ? Celui qui veut qu'Allah lui ouvre le cœur ou l'illumine, qu'il délaisse le fait de parler de ceux qui ne le regardent pas, et qu'il délaisse les péchés et les désobéissances, et qu'il ait entre lui et Allah des actions qu'il cache aux gens. Et s'il fait cela, Allah lui facilitera de la science ce qui l'occupera de toute autre chose. Et il y a certes dans la mort la plus grande occupation. Ça réveille, hein? Rapporté dans Manaqib l'imam Shafi'i. Manaqib l'imam Shafi'i, rahmatullah alayhi. Termine ce chapitre en disant « وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والله سبحانه جعل مما يعاقب به يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع كقوله وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله على عليها بكفرهم فوتيسي ياكي مونك عليها بكفرهم. Donc ici il dit وقال وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. Donc ici on continue, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah a dit, et rapporte un verset du Coran, donc on dit la traduction approximative de la parole d'Allah, Allah a fait que parmi les choses avec lesquelles il châtie les gens, non, donc c'est la parole d'Ibn Taymiyyah, Afwan, a fait que parmi les choses avec lesquelles il châtie les gens pour leur péché, l'empêchement de la guidance et de la science bénéfique. C'est-à-dire que c'était une des conséquences des péchés, c'est le fait qu'on est empêché d'être guidé et on est empêché, la science bénéfique nous est empêchée, yani, si on peut dire ça. D'accord, hein? Et il y a des paroles de Bilqayyim dans le Fawaid qui vont dans ce sens-là. Et Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidahullah, le fils de Cheikh Mohsen al-Abbad, le Cheikh très connu de Médine, Cheikh Abdelrazak al-Badr, il a un livre qui s'appelle Asbab Ziyadat al-Iman ou Nuqsani, hein? que je conseille vivement, etc. Et il parle de ce genre de. Et Bilqayyim a rapporté beaucoup de conséquences de l'ma'asé. Il a rapporté notamment le fait justement d'être égaré, le fait de ne pas avoir baraka dans son temps, le fait de la diminution du temps de vie, le fait de diminution dans le risque, le fait d'être dans un état psychologique, hein, nefsi, yani, qui, dépressif, yani, tu ne vas pas bien, etc. Qui est le contraire, évidemment, quand tu fais des bonnes actions. On le sent tous. Hein? Donc, il faut faire attention. C'est un rappel, Inch'Allah, et qu'on essaie de se le rappeler tout le temps, Inch'Allah, de ne pas essayer de pas tomber dans les péchés. Hein? Et ils dirent, donc là on est dans la traduction approximative de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils dirent nos cœurs sont enveloppés et impénétrables. Non, mais Allah les a maudits à cause de leur infidélité. Hein? Sourate al-Baqarah verset 88. Nos cœurs sont enveloppés et imperméables. En réalité c'est Allah qui a scellé leur cœur à cause de leur mécréance. La mécréance c'est le plus grand des péchés. Donc Allah a scellé leur cœur. Hein? Et une chose qui me vient en tête maintenant, Cheikh Saadi, le cheikh de Cheikh Al-Uthaymin, qui est très connu, qui a fait le tafsir du Coran, dans son explication d'un livre d'Ibn Taymiyyah dans l'Aqidah, qui s'appelle Ta'iyya, c'est un livre où Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, un poème, où il réfute un mécréant qui jette une choubha au ulama des musulmans sur le qadar. Et il dit, vous dites qu'on doit accepter le qadar, khairihi wa sharrihi, Allah il a voulu que je sois un kafir, et après vous me reprochez d'être un kafir. Hein? Et Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah s'occupe de lui en un poème. Hein? Masha'Allah, il fassale bien, il réfute bien cette choubha-là. Et Cheikh Saadi a expliqué ça, hein, ce poème-là, d'accord. Et Cheikh Saadi, à un moment, dit que justement, rapporte le verset de Surat al-Layl. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Il dit justement, ça c'est une preuve que chez les gens de la Sunna, que les bonnes actions sont un sabab dans la guidance. Comme les péchés sont un sabab dans l'égarement. D'accord ? Donc ici, sur le verset que j'ai cité là, sur le fait qu'Allah a scellé leur cœur à cause de leur mécréance, surat Nisa, verset 155. C'est peut-être bien de noter les références, que vous puissiez revenir à la maison, Inch'Allah, plus à l'aise. Verset 155, surat Nisa. Il y a dans les cœurs une maladie, et Allah a fait croire leur maladie. Ça, c'est une traduction d'un autre verset que je vous donne également, Surat al-Baqarah, verset 10. D'accord ? Hein ? Mais qu'est-ce qui vous fait penser que quand cela arrivera, ils n'y croiront pas? Parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons leur cœur et leurs yeux. Sourate Al-An'am, verset 109-110. Traduction également. L'An'am. Et en français, traduit ça par les bestiaux. Fika barakallah. Il cite encore un verset, donc ici la traduction approximative. Puis quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur. Surat As-Saf, verset 5. Verset Surat Laurent, si tu veux en français. D'accord? Donc ici la fine est la citation d'Ibn Taymiyyah. Et cette citation d'Ibn Taymiyyah, vous pouvez la retrouver dans Majmou' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah. Tome 14, page 152. Et en passant, je vous conseille l'édition où il y a le tertib d'Ibn Qasim. C'est celle que le Mashaykh utilise. Elle est en 37 volumes, je pense. D'accord ? Je pense, je suis presque sûr que c'est celle-là qu'il a prise. Ibn al-Qayyim a dit, donc il dit, Ibn al-Qayyim, « Wa kullama qarub al-qalbu min Allah, zalat anhu mu'aradat issu, wa kana nuru kashfihi lil-haq atamma wa aqwa. Wa kullama ba'ud anillah, كثرت عليه المعارضات وضعف نور كشفه للصواب. Donc c'est une parole d'Ibn al-Qayyim dans A'lam al-Waqi'in. Il dit, au plus le cœur est proche d'Allah, les oppositions du mal se retirent et la lumière de son dévoilement de la vérité se complète et se fortifie. Et chaque fois qu'il s'éloigne, au plus il s'éloigne d'Allah, les oppositions se font nombreuses et la lumière de son dévoilement de la vérité s'affaiblit. C'est clair, hein? Donc, Al-Muqi'in, tome 4, page 252, ce livre très connu, il est là-bas dans le fond, si, là-bas à gauche, à côté de Silsilah al-Da'ifa, si vous voulez jeter un coup d'œil. Tome 4, page 258. Et avec ça, on a fini le chapitre sur la crainte d'Allah Azzawajal, qui est la clé des sciences. Je ne sais pas si le frère peut être encore patient avec nous quelques minutes, qu'on finisse peut-être le dernier chapitre. Je ne sais pas s'il entend, Mourad. On peut continuer ? Ah, mashallah, barakallah. Parce que je sais qu'il est depuis le matin ici, donc... Zakallah khaira. Chapitre qui... Donc le premier, on avait dit la sincérité. Deuxième, mise en pratique. Troisième, as-sabr, barakallah fi. Quatrième, al-hifd. Cinquième, la crainte d'Allah, c'est la clé des sciences. Et maintenant, sixième, inshallah, dernière bien-science qu'on va voir entre nous, inshallah. Et c'est pas... on appelle ça une transition. Vous allez comprendre pourquoi. Talabu al-ilmi an sahib sunnah. Qu'est-ce qu'on va faire après? Présentation de Cheikh Rabia, inshallah. Donc, le fait de prendre la science que chez les gens de la sunna. Ou bien plutôt, pour traduire ça, la science ne se prend que des gens de la sunna. Hein? Vous allez voir que, inshallah, quand on va faire la présentation, la défense de Cheikh Rabia, inshallah, on va citer l'athar de Mohamed ibn Sirin, rahmatullah alayh. Et je vous conseille vivement un dars que notre frère, Allah Azza wa Jal, Hassan Abu Asma, il a traduit l'explication de Cheikh Ahmed Bazmoul. Ahmed Bazmoul, que vous connaissez tous, le frère de Mohamed Bazmoul, hafdahumullah jami'an, il a fait donc l'explication, elle est, mashallah, elle est magnifique. Et franchement, elle est vraiment, il a fait l'explication juste de cet athar-là de Mohamed ibn Sirin. Athar, yani, parole de Mohamed ibn Sirin, qui est parmi le tabi'in, qui est parmi kibar tabi'in, qui est dans la traduction du Sahih Muslim. Vous pouvez la retrouver dans Sahih Muslim, l'introduction. D'accord, Ahmed Bazmoul, Hafdallah, qui est un cheikh de la Mecque, a fait l'explication. Et notre frère Hassan Abu Asma, il a fait l'explication et la traduction en français. Hein? Donc, Inch'Allah, je vous conseille vivement de revenir à cette leçon-là faite par Hassan. Et vous pouvez le retrouver très facilement sur Internet. Peut-être, à mon avis, sur Dhikrullah et des sites comme ça. D'accord, donc, ici, la science ne se prend que des gens de la Sunna. Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il dit Talabu al-ilmi an sahib Sunna. Qal Abdurrahman ibn Yazid. سألنا حذيفة رضي الله عنه عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه فقال ما أحد أقرب سمتا وهديا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد انتهى كلامه. C'est rapporté par donc il a dit عبد الرحمن بن يزيد c'est النخعي أبو بكر الكوفي. Donc ici on dit, Abdurrahman ibn Yazid dit, nous demandîmes à Hudayfa, Hudayfa qui est qui? Un sahabi, naam, qu'Allah l'agrée, radiallahu anhu. Après, un homme dont la voix et la manière de faire sont proches du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'on prenne la science de lui. Il répondit, il n'y a personne dont la voix et la manière d'agir soient plus proches du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que Ibn Um'ab. Et ce athar-là est rapporté par donc, Afwan Abdurrahman ibn Yazid, si vous voulez avoir un peu plus sur sa biographie. Il s'appelle Al-Nakhai, Abu Bakr al-Kufi, le frère de l'Aswad et le fils du frère de Al-Ilqimah. Al-Ilqimah ou Al-Ilqimah. Il fait partie des tabi'in. Qui sont les tabi'in, ceux qui ont suivi? Les compagnons Na'am. Il est thiqa, il a été jugé thiqa de confiance. C'est bien qu'on s'habitue un peu à ce genre de vocabulaire, inchallah, entre nous. Et la Jama'a a rapporté de lui. Et il est, ce athar-là est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, numéro 3762. Peut-être pour accélérer un peu, je vais juste lire la partie en français, inchallah, pour pas trop tarder pour le frère. Ibrahim al-Nakhai a dit, lorsqu'ils arrivaient chez un homme afin de prendre la science de lui, ils regardaient sa voix et son aspect et sa prière et ensuite seulement prenaient de lui. Quand vous regardez autour de vous, qui fait ça? À part les salafis. C'est très très important ça. Il a dit, ils regardaient sa voix, yani son manhaj. Hein? Le mot en arabe ici, كانوا إذا أتوا الرجل يأخذوا عنه نظروا إلى هديه الهدي وسمته وصلاته ثم أخذوا عنه. Et le athar a été rapporté par Ibn Abd al-Barr dans At-Tamhid. Qu'est-ce que At-Tamhid? L'explication de Al-Muwatta de l'imam Malik. Ibn Abd al-Barr qui fait partie des grands savants de la communauté, qui expliquait At-Tamhid. Et n'importe quel talib ilm doit avoir At-Tamhid chez lui à la maison. At-Tamhid, l'explication de Muwatta de l'imam Malik, qui est parmi des grands recueils de la sunna de hadith. As-Samt. J'ai cité Samt. Ici, j'ai traduit Samt par la manière. Comment on peut traduire Samt? Samt, moi, j'ai traduit ici par la voix, Samt ou al-Hadi, la voix et la manière de faire son proche. D'accord? La science n'est pas demandée à un innovateur. Donc si vous voulez les références d'abord de Tamhid, c'est tome 1, page 47, avant que j'oublie. La science n'est pas demandée, j'insiste, je répète encore, la science n'est pas demandée à un innovateur. Car la recherche de la science chez les gens de l'innovation contredit le délaissement, le hajr. Regardez, moi je prends la science chez un innovateur, en faisant cela, je contredis, je vais à l'encontre d'un asl parmi usul al-sunna al-jama'a qui est justement le hazr al-mubtadi'. Hein? Des gens d'innovation, le hazard des gens d'innovation, qui est un fondement parmi les fondements des gens de la sunna et du consensus. Fondement qui est tiré de multiples preuves du Coran, de la sunna et de l'unanimité des savants. Et derrière un livre consacré par Cheikh Dhoufiri, un gros livre consacré par Cheikh Dhoufiri sur ce point-là, sur le hazard, et que c'est parti de usul al-sunna al-jama'a. Hein? Et que c'est parti, il y a des preuves du Coran et de la sunna de l'ijma', contrairement à ce qu'ils disaient al-bida' al-ahwa, al-hizbiyoun. Hein? D'accord? Parmi les preuves du Coran, la traduction approximative, quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ نَعَمْ غَيْرِهِ. Hein? Sourate Al-An'am, verset 68. Et regardez ici, un point très important que je rapporte souvent, frère. وعن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت يعني عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فحذروهم. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Qu'est-ce qu'elle a dit عائشة رضي الله عنها وأرضاها? Elle dit, hein? Le messager d'Allah a lu ce verset, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. la traduction, hein. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Ici, attention. Attention ici à bien comprendre ce verset-là. Cheikh Al-Uthaymeen, dans Sharh Usul Tafsir, Muqaddima fi Usul Tafsir, dans les fondements d'exégèse du Coran, il a dit, c'est quoi un nas muhkam et un nas mutashabih? Le mutashabih, le Coran, il est tout muhkam. Le Coran, il est clair. Mais comment on peut dire qu'il y a des versets qui peuvent prêter à équivoque? Pour ceux qui ont rien compris, pour ceux qui ont compris, comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymeen, pour ceux qui ont compris le contraire de ce qu'ont compris les enracinés dans la science. La preuve, la suite du verset, c'est quoi? وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. D'accord? Donc attention de bien comprendre ce verset ici. Les gens donc qui ont au cœur une inclination vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque. Le mutashabih. Cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation. Et ça vous rappelle les tekfiri à 100%. Hein? Et tous les hizbiyin en général. Hein? Alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, nous y croyons, tout est la part de notre Seigneur. Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Et je vous conseille de revenir au charh de Tafsir de Shinqit et de ce verset-là, parce qu'il rapporte les différents avis sur l'waqf ici. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَى اللَّهِ. Tu t'arrêtes là, hein? Ou tu t'arrêtes, ou rassikhuna fil ilm, ou mi'alamu ta'wilahu ilallah, ou rassikhuna fil ilm. Tu t'arrêtes, ou rassikhuna fil ilm. Il dit, le fait de t'arrêter là ou là, ça a deux tafsirs différents. Hein? D'accord? Je vous conseille de revenir à ça, c'est très très intéressant. Dans le tafsir de Shinqiti, Adwa al-Bayan. Donc, ici, ce hadith-là, rapporté par Aïcha, radiallahu anha, et on le termine d'abord. Le messager d'Allah, donc elle dit, le messager d'Allah a dit, si tu vois ceux qui mettent l'accent sur les versets à équivoque, ce sont ceux qu'Allah a cités. Prenez donc garde à eux. Et après les gens viennent dire, non, il ne faut pas mettre en garde sur les gens de l'innovation. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a dit, fahdharuhum. C'est pas un tahdir ça? C'est pas une mise en garde? Rapporté par le Bukhari et le Muslim. Et d'après وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمن ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. الله أكبر. regarde le كلام السلف comme il est fort. Hein? Qu'est-ce qu'a dit Abu Huraira رضي الله عنه أرضاه, le grand compagnon, le noble compagnon. Hein? Contrairement à ce que dit الشيعة قبح لهم. Hein? Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit il y aura à la fin des temps des gens qui vont vous parler de choses dont vous n'avez jamais entendu parler, ni vous, ni vos pères. Prenez garde, et qu'ils prennent garde. Rapporté par Muslim dans l'introduction de son authentique, dans le Muqaddima de son Sahih. D'accord? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé, hein? Nabi sallam, Hazara Ka'b ibn Malik lamma takhallafa an ghazwati Tabuk. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a délaissé Ka'b ibn Malik. Wa ma adraka ma Ka'b ibn Malik, subhanallah, Ka'b ibn Malik, le grand compagnon. Il a délaissé Lorsqu'il s'est absenté à la bataille de Tabouk. Hein? Qu'est-ce que le Cheikh fait ici? En fait, il nous rapporte toujours le Dalil sur le Hajr. Naam. Rapporté par Muslim, rapporté par naam, Al-Bukhari wa Muslim. Ibn al-Qayyim, qu'est-ce que dit Ibn al-Qayyim? قال Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa fihi dalilun ala hujran al-imam al-alim wal-muta' liman fa'ala ma yastawjibu al-atb. Ici, il a dit l'atat. L'atat. On va traduire, Inch'Allah, on va voir qu'est-ce que. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit il y a en cela une preuve sur le fait que l'imam et le savant et celui qui est obéi délaisse celui qui a commis une action par laquelle il mérite la réprimande. Aïtab, non? Aïtab, hein? Peut-être une faute d'impression. La réprimande. Zad al-Ma'ad d'Ibn al-Qayyim. Zad al-Ma'ad, livre très connu dans la Sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'Ibn al-Qayyim, tome 3, page 578-578, d'accord? Wa qad haka, écoutez bien, point très important. Vous savez, on a rapporté le dalil du Coran, on a rapporté hadith, et maintenant qu'est-ce qu'on rapporte? Ijma'a. Wa qad haka l'imam al-Baghawi rahimahullah l'ijma'a ala dhalik. فقال وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. الله أكبر، انتهى كلامه رحمه الله. كاين حزبي كيفين ندير لو كونترير منو كيسكي لا دي الإمام بغاوي رحمه الله قال لي فاس ميغزيكورد أغابوختي لونانيميتي الإجماع. إجماع سن حجة وبا ها بروفيسور سامي لابادي لا تجتمع أمتي على ضلالة ها Qu'Allah lui fasse miséricorde a rapporté l'unanimité des savants, le consensus si vous voulez, sur ce point et a dit, écoutez bien, les compagnons et leurs successeurs et les successeurs des successeurs et les savants d'Asunna étaient sur cette position et étaient unanimes et en consensus. Regardez le mot qu'il a utilisé en arabe ici. Mujmi'ina, muttafiqina. Deux synonymes, ijma', ittifaq. Hein? Sur le fait de détester les gens de l'innovation et de les délaisser. Et wallah, on les déteste et wallah, on les délaisse. Alhamdoulilah. C'est dans Sharh Sunnah de l'imam al-Baghawi, d'accord ? Tome 1, page 227. Donc retenez ça, hein, retenez la source. Si un jour quelqu'un vous dit quelque chose, dites-lui, non, l'ijma', les gens de la Sunnah sont unanimes là-dessus. Il n'y a pas d'ikhtilaf, il ne faut pas commencer à rapporter des choubouhat. L'imam Baghawi a rapporté l'ijma' dans son Sharh Sunnah, qui est un livre très connu de l'imam al-Baghawi, Sharh Sunnah. Hein? Tome 1, page 227. Notez les références, ya ikhwa. Tome 1, page 227. Et essayez de mémoriser ça par cœur. Hein? C'est comme l'ijma' qu'on avait rapporté une fois qu'on était assis avec les frères, et que Cheikh Obeid rapporte souvent dans ses cours sur le fait de se dire salafi. Ils disent non, je ne veux pas me dire salafi. Hein? Ibn Taymiyyah. Dans ce majma' al-fatawa, il dit wala aiba. Hein? Ala man adhara madhhab as-salaf wa atazza ilayh bal yajib dhalika qabulu dhalika bi bil-ittifaq. Akhi, tu dois accepter ça, akhi. Ijma'. Hein? Et il dit également wa qala aidan rahimahullah, c'est-à-dire qui toujours? Non. Ibn Taymiyyah. Il dit wala aiba. على من أظهر je le te dis par cœur, vérifie toujours, مذهب السلف واعتز إليه عفوا جزاك الله خير واعتزا إليه بل يجب قبول ذلك بالاتفاق يعني قبول ذلك منه بالاتفاق يعني c'est à dire que tu es obligé pour celui qui se revendique salafi d'accepter ça de lui et tu es obligé de l'accepter avec l'unanimité des savants يعني il y a pas de khilaf là-dessus sur le fait de se revendiquer de مذهب السلف de dire salafi. Et Cheikh Abel Jaberi rapporte ça dans ses cours pour montrer l'importance, l'obligation de se dire salafi et qu'il y a une unanimité là-dessus. Quoi que se disent les hizbiyyin, ils disent non, on ne peut pas dire salafi. Hein? Tu suis les salafis et tu ne te dis pas salafi. T'es quoi alors? Tu comprends? C'est, Inch'Allah, si, on peut le faire Inch'Allah à part et reprendre parce que ce qui est intéressant dans la parole d'Ibn Taymiyyah ici, avant qu'il rapporte ça, c'est qu'il rapporte juste, sur les gens qui sont. Salafi, de manière apparente, un bon tafsil qui rapporte sur même le mu'minin, etc. Il rapporte un long tafsil que je connais évidemment pas par cœur. Inch'Allah, on peut rapporter le volume de Ibn Taymiyyah un jour, Inch'Allah, et lire ça ensemble, Inch'Allah. D'accord ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est toujours l'imam Baghawi, rahimahullah, qui parle, dit « Qad akhbara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an iftiraq al-umma wa dhuhuri al-ahwa wal-bid'a fihim » وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنهم فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا فلا يسلم عليه إذا لاقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. D'accord. Il continue, Cheikh al-Baghawi, il dit l'imam Baghawi. وَالنَّهْيُ عَنِ الْهُجْرَانِ فَوْقَ الثَّلَاثِ فِيمَا يَقَعُ مِنَ الرَّجُلَيْنِ مِنَ التَّقْسِيرِ فِي حُقُوقِ الصُّحْبَةِ وَالْعِشْرَةِ دُونَ مَا كَانَ ذَلِكَ فِي حَقِّ الدِّينِ فَإِنَّ هِجْرَةَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ دَائِمَةٌ إِلَى أَنْ يَتُوبُوا. انتهى كلامه رحمه الله. Regardez quelle faïda rapporte l'imam Baghawi ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de la division de sa communauté et de l'apparition des passions, l'ahwa, et des innovations au sein de sa communauté, et a décrété le salut du verbe sauver hein, à celui qui suit sa voie et la voie de ses compagnons. Écoutez, sa voie et la voie de ses compagnons, qu'Allah les agrée tous, que le musulman qui voit un homme s'adonner à quelque chose parmi les passions et les innovations en y croyant ou simplement en dédaignant une sunna, une tradition prophétique, hein, parmi ces sunnans, qu'il le délaisse et s'en désavoue, et le délaisse mort ou vivant et ne le salue pas s'il le rencontre et ne répond pas à son salut s'il salue en premier, jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation et revienne vers la vérité. Et l'interdiction de délaisser quelqu'un plus de 3 jours en ce qui concerne, écoutez le tafsir ici qui rapporte, c'est important, hein, et c'est la, vous connaissez l'interdiction sur le pas de pas de pas délaisser quelqu'un plus de 3 jours, mais regardez ce qu'il dit ici, il rapporte un point très important. Il dit l'interdiction de délaisser quelqu'un plus de 3 jours est en ce qui concerne ce qui peut arriver entre deux hommes, comme au droit de l'amitié et de la compagnie. Ça ne rentre pas dans ce qui concerne le droit de la religion. Hein? Car le délaissement des gens des passions et des innovations est continu jusqu'à ce qu'ils se repentent. Il n'y a pas un hizbi qui me dira, tu ne peux pas me hazar plus de 3 jours. Tu dis, je hazar, jusqu'à ce que tu reviennes à la haqq. D'accord, mais évidemment, remarque importante à faire ici, dans le hazar, on revient au ulama. Hein? On n'applique pas ça de nous-mêmes. Wallah, je reviens toujours à la parole magnifique de Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh. Il a dit, Al-hajr, mas'alatun ilmiyatun daqiqatun tahtaj ila tatbiqin ilmiyin daqiqin. Regardez le dhab de Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh. Al-hajr, c'est un point, mas'ala ilmiya, c'est un point, yani de la science, daqiqatun, yani précise, hein? De manière chirurgicale, c'est très précis. Hein? On a besoin donc, ou elle a besoin d'être appliquée de manière, il a d'être mise en pratique avec science de manière précise. Et c'est qui détient ça? C'est pas nous, c'est les savants, c'est eux qui voient le muslah, le mufsada, etc. D'accord? Hein? Mais il y a toujours le hazard de l'uqaya, le hazard de protection, de ne pas les fréquenter, de ne pas écouter leur kalam, de ne pas s'asseoir avec eux, de ne pas fréquenter le majalis. Ça, évidemment, ça nous concerne tous. D'accord? Donc dans le hazr, toujours revenir au machir. Toujours revenir au machir, toujours demander conseil, etc. Hein? Donc ici, cette parole de l'imam Baraoui, la même référence, Sharh al-Sunna de l'imam Baraoui, tome 1, page 224, Inch'Allah. Notez-le, Inch'Allah, c'est important, je pense. D'ailleurs, quand j'avais traduit ça à l'époque, j'avais noté une remarque, j'avais dit, il convient de revenir aux savants de la communauté pour l'application de ce fondement des gens de la Sunna, en accord avec les règles émises par les savants. Et puis j'avais cité la parole de Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh. Abdurrahman ibn Mahdi, Khalifas Miséricorde, a dit « La science ne se prend pas chez 3 genres de personnes. Celui qui a accusé de mensonge, celui qui appelle à une innovation, et l'homme qui se trompe beaucoup. » Qala Abdurrahman ibn Mahdi, rahimahullah, « Thalathatun la yu'akhadu anhum, al-muttahamu bil-kadhib, wa sahib bid'ah, يدعو إلى بدعته والرجل الغالب عليه الوهم والغلط. Donc on a dit quoi? 3 genres de personnes: celui qui a accusé le mensonge, celui qui appelle à une innovation, et l'homme qui se trompe beaucoup. Sharh Ilal al-Tirmidhi, tome 1, page 110. Donc là on rentre dans la science de l'hadith, hein? L'ilal, les défauts, yani ce qu'on peut traduire par les défauts de. Qu'est-ce qui peut rendre quelqu'un un sanad da'if, de manière très générale, quoi. Sharh Ilal al-Tirmidhi. C'est un livre très connu dans les Ilal de l'imam al-Tirmidhi, tome 1, page 110. L'imam Malik, rahmatullah alayh, a dit, « قال l'imam Malik, rahimahullah, لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ من سوى ذلك. لا يؤخذ من سفيه ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يتهم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. » Regardez, سبحان الله, السلف comment ils étaient. ولا من شيخ له فضل وصلاح وعباده اذا كان لا يعرف ما يحدث. انتهى كلامه رحمه الله. Donc l'imam Malik a dit, رحمه الله عليه, la science ne se prend pas chez 4 personnes, elle se prend chez les autres. Le sot, as-safih, sot, S-O-T, hein? Le sot. Celui qui appelle à une passion. Le menteur qui ment dans les paroles des gens, même s'il n'est pas accusé de mentir dans les paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Non, non, c'est important de le préciser. Regardez le dhabt des mashayikh quand ils parlent. Regardez le dhabt. Hein? Donc, même s'il ne ment pas dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un cheikh qui a une préscience, il a une adoration, il a une vertu, s'il ne connaît pas ce qu'il rapporte, parce qu'il ne connaît pas ce qu'il rapporte, on ne prend pas de lui. Même s'il a la piété, même s'il a le salah, même s'il a l'ibad, etc. Et ça, c'est rapporté donc, par la parole de l'imam Malik, par Ibn Abdul Bar Na'am, dans son tamhid. Encore une fois, vous voyez, c'est une référence importante. Dans son tamhid, qui est l'explication de Mu'tal l'imam Malik. Tome 1, page 66. Inch'Allah, encore un petit peu de patience, on va bientôt finir, Inch'Allah. قال أيوب رآني سعيد بن جبير مع طلق بن حبيب فقال ألم أرك مع طلق لا تجالسه انتهى كلامه. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit Ayyub, il a dit Sa'd ibn Jubair m'a vu avec Talq ibn Habib. Et il a dit ne t'ai-je pas vu avec Talq? Ne t'assois pas avec lui. C'est pas un tahdir ça? Un salaf il n'utilisait pas de tahdir, subhanallah. Et ça, ce athar-là, il est rapporté par Al-Khalal dans Sunnah numéro 1541 avec un sanad sahih, une chaîne de transmission authentique. Qala l'imam Ahmad, imam Ahl Sunnah, rahmatullah alayhi. أخذ الله الكرابيسي لا يجالس ولا يكلم ولا تكتب كتبه ولا تجالس من جالسه. انتهى كلامه. Regardez quelle parole forte d'Imam Ahmed. Qu'Allah jette dans la déchéance al-Karabisi. Qui est partie de Ahl Bid'a, Allah, très connu. Il ne faut pas s'asseoir en sa compagnie, ni lui parler. Et ses livres ne doivent pas être écrits. Et ne t'assois pas en compagnie de celui qui s'assoit avec lui. Par l'imam Ahmed, imam Ahl Sunnah. Et c'est rapporté dans Al-Masa'il. De la version qui est rapportée par Ibn Hani An-Naysaburi, tome 2, page 154. Masa'il, ça veut dire Masa'il imam Ahmed, évidemment. Rapporté par Ibn Hani An-Naysaburi. Tome 2, page 154. Regardez, on continue ici. ولما كان هذا الأصل معمولا به في عهد المتقدمين كان هزر أئمة السنة للرجل أمارة على بدعيته. الله أكبر. فهذا عمرو بن عبيد المعتزلي. C'est ça qui cherchait Abu Khadija dans le dars de vendredi. Le mot là. Amr ibn Ubayd. سبحان الله جمزي ما كجاب جون توندي سنو سبحان الله لما نهى ابن عون عن الناس جلس لوحده عفوا لما نهى ابن عون عنه الناس جلس لوحده je traduis on a dit donc ici c'est qui parle c'est c'est le cheikh donc qui continue en disant comme ce fondement était d'application dans les premières générations, le fait que les imams de la sunna délaissaient un homme était un signe qu'il était un innovateur. Regardez, Allah, parce que les premières générations de l'islam appliquaient à la lettre ce fondement-là, eh bien juste parce qu'il était délaissé, tu savais que c'était un innovateur. Comme Amr ibn Ubayd, le Mu'tazilite, la secte de Mu'tazila, lorsqu'Ibn Aoun a interdit les gens de le fréquenter, eh bien il s'asseyait seul. C'est un asl, ça fait partie de qawa'id d'Ahl Sunnah al-Jama'a, de usul d'Ahl Sunnah al-Jama'a. Et si tu veux revenir aussi là-dessus, tu peux aller dans l'Um'at al-I'tiqad, le charh de Cheikh al-Uthaymeen, il a consacré un chapitre à Hazar al-Bid'a al-Ahwa, aussi dans ce chapitre-là. D'ailleurs, quand tu regardes dans les livres de Manhaj, les livres même des anciens, le Kitab Sunna, le Sharia, l'Ajurri, tous ces livres qui sont des fondements dans la Sunna, tu vas voir que ils reviennent systématiquement sur ce point-là. Et les mashayikhs contemporains ont justement fait la compilation de toutes ces paroles-là et toutes ces preuves-là. Et un livre qui est très accessible et qui va te faciliter ta recherche, c'est le livre de Cheikh Dhoferi, justement sur le Hajr. Et il a montré que ça faisait partie du Manhaj al-Sunnah al-Jama'a avec le Coran, la Sunnah et l'Ijma'. Il a rapporté vraiment toutes les preuves et il a fait ça le bien, etc. D'accord Ijma' al-Ulama. في وجوب حجر البدع والأهواء كيش كم سان ها يجمع العلماء يجمع العلماء اللي كوني وسوف غير يجمع العلماء si je me souviens bien il a été édité par الفرقان Émirats, aux Émirats Arabes Unis. Allah alam. L'édition que j'avais à l'époque, je pense que c'était le Furqan. Cheikh Al-Dhufayri. Al-Dhufayri, avec Al-Dhufayri. Inch'Allah, si on peut consacrer, Inch'Allah. On a beaucoup de choses. Donc, on continue, Inch'Allah, et on termine. Abdul Wahhab al-Khaffaf a dit, je passais devant Amru ibn Ubaid, qui était seul, et lui dit, donc Amru ibn Ubaid, c'est qui? Le mot Mu'tazili dont on vient de parler. Qu'as-tu? Pourquoi t'ont-ils délaissé? Il répondit, Ibn Aoun m'a interdit aux gens, de me fréquenter. Et ils ont obéi. Mizan al-Itidal, tome 3, page 274. Le shir continue en disant, sache qu'il y a dans le fait de prendre des gens de l'innovation de nombreux maux, car celui qui prend de la science peut s'immerger dans leur innovation. Et elle implique un amour pour ce shir, chez qui il prend la science. Et l'individu est avec celui qui l'aime le jour du jugement dernier. Il y a en cela également le fait d'augmenter le nombre des gens d'innovation. Si tu les fréquentes, tu augmentes leur nombre. Hein? Regarde, Al-Mar'u ma'aman ahab. Tu veux être avec les innovateurs de Al-Qiyama? Fréquente-les. C'est ça qu'il est en train de dire le cheikh ici. Il y a en cela aussi le fait de tromper le commun des musulmans qui peuvent croire qu'il y a les gens d'innovation sont sur la vérité. Pourquoi, à ton avis? Parce que tu es connu comme un salafi, comme quelqu'un de la sunna, et les gens ils te voient avec un tel. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens qui ne connaissent pas? Ils vont dire, bah, si un tel il est là, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça veut dire que ces gens-là aussi sont bien. Regardez, on appelle ça le mafasid. Hein? Les mauvaises conséquences, les maux qui découlent juste parce que le fait que tu t'assois chez l'Al-Bida et tu prends la science. Pour toi et pour les autres. C'est un asl qui est très très important, ikhwa. Et sûrement dans votre vie, vous avez sûrement vu beaucoup beaucoup d'exemples de frères qui n'ont pas accepté, à appliqué à la lettre ce asl-là et qui se sont perdus. Wal'adou billah. Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de frères. Quand je dis frères, ça veut dire sœurs aussi. Hein? Beaucoup. Juste par les fréquentations, par le fait de prendre, je prends juste le tejoud, je prends juste la rage, je prends juste le fer, je prends juste ceci, je fréquente juste cela, kada, jusqu'à ce que tu vois que les gens s'égarent, subhanallah. Qu'Allah nous préserve de cela. Yani, il faut vraiment, c'est un asl à appliquer à la lettre. C'est ton din, ya akhi, ya ukhti, c'est ton din. Et donc, par le fait que tu t'assois chez eux, les gens, le commun des musulmans, l'awam, ce qu'on appelle l'awam, le commun des musulmans, ils peuvent croire qu'ils, les gens de l'innovation, sont sur la vérité. Et le fait de s'asseoir avec eux a pour résultat de se détourner de la vérité. Bindar a dit, la compagnie des gens de l'innovation engendre le fait de se détourner de la vérité. Allahu Akbar. Je répète, la compagnie des gens de l'innovation engendre le fait de se détourner de la vérité. D'accord ? Vous pouvez retrouver cette parole dans Sira Alam al-Nubala de l'imam al-Zahabi, tome 16, page 109. Qu'est-ce que a dit Abdul Samad Mardawi? Il a dit, j'ai entendu Al-Fudayl ibn Iyad. Al-Fudayl ibn Iyad, savant très connu notamment. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Savant très connu, yani qui a des livres très très importants dans la sunna. Si je me souviens bien, c'était un maghrébin. Al-Fudayl ibn Iyad, celui qui aime quelqu'un parmi les gens de l'innovation, celui qui aime quelqu'un parmi les gens d'innovation, Allah annule ses actions et sort la lumière de l'islam de son cœur. C'est des paroles lourdes. Hein? Et l'action de celui qui fait partie des gens d'innovation n'est pas élevée vers Allah. Le regard du croyant vers le croyant réjouit le cœur. Et le regard de l'homme vers les gens d'innovation engendre l'aveuglement. Celui qui s'assit avec quelqu'un des gens d'innovation n'a pas été doté de sagesse. Pour trouver cette parole dans Sira Alam Nubala de Zahabi, tome 8, page 435. Soufiane al-Thawri, rahmatullah alayh, grand imam, Soufiane al-Thawri, a dit, celui qui entend d'un innovateur, Allah ne lui rendra pas bénéfique ce qu'il a entendu. Et celui qui lui serre la main, a défait l'islam nœud par nœud. rapporté dans Al-Jami' li Akhlaq al-Rawi de Al-Khatib al-Khatib al-Baghdadi, tome 1, page 138, et c'est le point numéro 163. C'est un livre très connu de Al-Khatib al-Baghdadi, rahmatullah alayh. Il s'appelle Al-Jami' li Akhlaq al-Rawi. Peut-être pour les frères arabophones. Man sami'a min mubtadi'in lam yanfa'u Allah bima sami'a wa man safahahu faqad naqada al-islam urwa urwa. Intaha kalamuhu rahimahullah. Et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus aujourd'hui, inchallah, il est 11h10. Mubarakallahu fikum pour votre patience. Wa jazakumullahu khairan. Inchallah, la semaine prochaine, présentation, biographie, défense Cheikh Rabi', et on rentre dans le livre, Inch'Allah Ta'ala. Et Inch'Allah, Barakallahu Fik de me rappeler, on va essayer de faire ça avant l'Aïcha, mais ça reste, pour les gens qui sont sur Internet, ça reste un sujet à confirmation de la part des responsables de la mosquée, mais je pense que ça ne devrait pas poser de problème parce qu'il n'y a personne avant nous au moment, avant l'Aïcha. Donc ça devrait être vers 8h, 8h15, c'est-à-dire qu'on a, en fait, si vous regardez le programme, on a à 7h moins 15, on a le Dars de Cheikh Ghoudayen, Inch'Allah. Après, il y a les questions-réponses et la traduction d'Abu Talha. J'ai demandé tout à l'heure, on m'a dit que ça ne devrait pas dépasser 8h, 8h15, je pense, parce que en général, ils font une heure. Donc, Inch'Allah, 8h15, normalement, on pourrait commencer, Inch'Allah. Et je pense que la semaine prochaine, l'Isha, il est à 9h30, si pas plus. 9h30, hein, dimanche prochain. Je me demande si ce n'est pas 9h45 déjà. À la kulli hal, 9h30, hein, 9h? 9h30, Inch'Allah, dimanche prochain, Inch'Allah. Hein? Non? Non? Ah, ok. Ok. Ah, ben ça, c'est une très bonne idée. Ben, le frère ici dit, Zallah Khairan, il dit, Inch'Allah, pour ceux qui suivent, parce que je suppose qu'il y a même des francophones qui suivent la leçon de Cheikh Al-Ghoudayen par téléphone, de Sharh de. Les annotations sur le résumé du Sharh de Kitab Tawhid de Cheikh Al-Fawzan. Donc Cheikh Al-Ghoudayen, il le fait en direct avec nous ici par téléphone tous les dimanches à 7h moins quart, d'accord. Eh bien, pour les frères francophones, Inch'Allah, ils peuvent assister au cours. À ce moment-là, Inch'Allah, ben, on saura. Donc on mettra une petite note et dire, ben voilà, le Dars aujourd'hui commence à cette heure-là en guise de confirmation. Et peut-être que les frères Inch'Allah qui ont déjà mis la publicité sur certains forums francophones, c'était lequel que tu avais mis, Al-Minhaj, etc. Mais Inch'Allah, que vous pouvez consulter les forums. Inch'Allah, je pense qu'on pourra, dès qu'on a une réponse. Et pour les frères qui sont ici, avec nous à la mosquée, bien, on pourra se faire passer le mot et s'envoyer des messages, Inch'Allah, pour confirmer si c'est. Parce que je pense que c'est un peu tard maintenant, 9h30, la salle à Kada, on va terminer à 11h, 11h30, c'est un peu difficile. Wa subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.